Clément. Pas ce genre de blague, Tonaï. Bonsoir, Tonaï. Ouais. Comment ça va? Bah, ça va vachement bien. Je suis trop content de te retrouver. Ah, bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Tu sais, on est toujours content de te retrouver. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour il ça fait que. Fait bon, hein, dans ton. C'est, t'as chaud? C'est ça que tu trouves oh, qu'il fait chaud? Ah, non. Parce que j'avais ouvert parce qu'il faisait un peu trop chaud. Ouais, j'imagine. Et en plus, tout à l'heure, moi, j'avais les loupiottes d'allumer. Donc, c'était un. Oh, je. Pire. J'avais bien, bien chaud. Et comme, ouais, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je m'étais dit que ça serait sympa qu'on se retrouve pour faire une capsule. Ah bah, moi je me suis dit, bah vas-y, j'arrive tout de suite. Tu m'as dit, dans une demi-heure. Ouais, non, en fait, il y a eu plein de trucs, genre, tu penses plutôt le matin ou l'après-midi, tu penses plutôt début d'après-midi ou fin d'après-midi, tu penses... ça a été ça fait 30 minutes, là. Ouais, voilà, ça a été un petit peu comme ça. Du coup, je pense que c'est peut-être le moment de lancer un petit générique. Allez. Générique. On va une nouvelle fois parler d'un groupe un groupe de musique. Exact. Ouais. C'est pas un groupe où on ferme les yeux. J'allais dire encore un groupe où on ferme les yeux. Ouais. Et en plus, un groupe où il n'y a pas de chanteur. C'est vrai. Encore une fois. C'est vrai. La dernière fois, on avait parlé comme ça de The Russian Circle. Et là, une nouvelle fois, il n'y a pas de chanteur. Il n'y a pas cet instrument-là dans ce groupe-là. Non, c'est vrai. Alors que dans l'histoire du groupe, il y a eu. Mais, enfin, pas vraiment. Mais on va revenir tout de suite. À ton avis, de qui on va parler? My Sleeping Karma. Tout à fait. My Sleeping... Ah, les poils. Ouais. Tona, il me dit les poils. Les hein. Poils. Là, les poils. Hein. Là, un peu de frisson, là. Ah, ça fait ça quand il aime pas trop. Ouais. My Sleeping Karma, qui est un groupe de rock psychédélique instrumental, rock psyché, mais que se définit plutôt lui-même comme étant du psychédélique groove rock. Donc, groupe allemand, originaire d'Aschaffenburg. Eh bien, tiens. Eh bien, oui. Et qui n'a donc... Et qui vient surtout mélanger à son stoner et son rock psyché et autres des sonorités indiennes. Ça, c'est une des petites particularités du groupe. Après, on peut rajouter aussi que le titre des morceaux, quand il y en a, ça fait représente des noms de divinités hindoues. Oui. Voilà, on peut aller là-dessus. Donc, ils ont été formés en 2006. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant 2006, le bassiste Matt et le batteur Stephen, ils jouaient dans un groupe de stoner qui était The Great Escape. Et au bout d'un moment, bah, le chanteur, il a dit « Ouais, j'en ai marre ». Il s'est barré. Et eux, en fait, ils ont décidé « Bah, on continue sans chanteur ». Ok. C'est comme ça que ça a démarré, tu vois. Et parce qu'en fait, ils se sont dit, on peut pas s'arrêter de jouer parce que on est engagé dans des festivals. Ouais, ouais, ouais. Donc ils se sont dit, bon bah tant pis, on fait, et on verra. Sans chanteur. Voilà. Et donc c'est à le Seppi, le guitariste, et le Norman, le soundboarder, qui sont venus compléter le groupe. Voilà. D'accord. Donc en fait, ils ont fini. Mais en fait, ce qui est très marrant avec My Sleeping Karma, c'est que c'est un groupe. Eux à la base, leur façon de voir les choses, c'est que c'est un groupe. Comment dire? Ils ont pas du tout de plan à la base. Eux, c'est juste des mecs qui faisaient leur musique en buvant des bières et en discutant de l'actualité du foot. Ah ouais. Tu vois, et en fait, ils ont continué comme ça et ça s'est, mais ça aurait pu très bien. En fait, quand le chanteur est parti, ils ont trouvé deux mecs pour finir leur contrat de festival. Ouais. Mais en fait, s'il y en avait un, une fois que ces trucs-là étaient terminés, qui aurait dit on arrête, sûrement que les trois auraient arrêté, en fait. Il y avait pas de, c'était juste des mecs qui se retrouvaient pour être cool ensemble. Et en fait, le truc s'est enchaîné de lui-même. Ouais. Et ils se sont retrouvés à faire des albums, à partir en tournée et tout ça. Mais au début, le groupe était pas forcément, tu vois, parti là-dessus. Donc, et pour le groupe, donc, musicalement, ça a toujours été de créer une atmosphère hypnotique. Un peu comme une transe, tu vois. Ouais. Ça nous est arrivé de parler de Hell Young il y a pas très longtemps, ah oui, où on disait justement qu'il y avait une espèce d'autre voyage. Et bah là, c'est encore presque plus, je trouve. Parce que même musicalement, c'est fait pour faire un petit côté trans, tu vois, les motifs se répètent, tu vois, se répètent un peu d'une manière exprès, tu vois. Et donc, leur idée, c'est que chaque auditeur puisse flotter à travers ses propres pensées, ses propres idées, sa propre histoire. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons toujours été, nous resterons toujours un groupe instrumental, parce que nous voulons vraiment que l'auditeur puisse avoir sa propre histoire avec notre musique. C'est ce qui s'est peut-être construit au fur et à mesure, ça, non? Parce que tu disais voilà. Que. Oui, c'est pour ça. Le succès a été au rendez-vous, ça a marché, et puis bah, finalement, c'est un gros kiff. Bah, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Mais eux, ils sont toujours été surpris de se dire comment le groupe était encore là, parce qu'à la base, c'est juste ça. Et effectivement, bah, ils ont quand même continué. Bon, bah, on fait un album. Bon, bah, il y a encore un autre album à faire, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, ils se disent qu'ils ont été formés en 2006, mais en fait, comme c'est la suite logique, je sais pas trop, par contre, ce qu'ils ont gardé de leur ancien groupe qui a été gardé dans le premier album, mais en tout cas, le premier album sort lui aussi en 2006. Ouais. Donc après il y en aura en tout, il y en aura 6 et qui va donc voir le groupe venir se présenter mais c'est pas ça. C'est pas se présenter le mot. C'est pas se présenter. J'allais dire qu'il allait venir jouer au Hellfest mais donc c'est pas se présenter, c'est se ils vont se produire. Se produire, merci. Donc ils vont se produire en 2011, en 2013, en 2019. Moi j'étais devant eux en 2019. Okay. Je suis venu prendre ma petite claquette, hein, je vais pas te mentir. J'avais, parce qu'on en avait sûrement fait la chronique et j'avais déjà beaucoup aimé ce mélange. Pour la partie musicale qui rappelle un petit peu les motifs indiens, ouais. C'est pas du tout volontaire. En fait, de ce que j'ai pu voir, eux, ils composent beaucoup d'une manière en jamant. Tu vois, en testant des trucs, oui, en fait, ça, et en gros, le guitariste va faire un riff ou deux, et derrière, ça va suivre, et on va voir si ça marche. Si ça marche, ils vont creuser. Et après, des fois, ça sort. Et en fait, le fait qu'il a dû, une fois, avoir un truc, une sonorité un peu indienne qui est restée, en fait, c'est devenu un peu leur marque de leur fabrique. D'accord. Mais pour eux, c'est très important de dire que, bah, il n'y a aucun lien religieux, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas du tout de ça, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment. Ça, c'est pas du tout. Voilà, tu vois. Il n'y a pas de recherche dans ce côté-là, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est bien le guitariste, il trouve des petits passages. Mais ça vient plus de répétition et d'improvisation que d'une vraie recherche, quoi. Mais par contre, ils gardent quand même l'image, comme on peut voir la tête de l'éléphant Ganesh sur leur pochette. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, petit fait amusant. Le premier, c'est un des membres du groupe qui l'a réalisé. Après, ils ont demandé à un ami graphiste et à un autre. Et à un moment donné. Je ne sais plus pour quel album, il y avait deux pochettes qui leur plaisaient. Et en fait, comme c'était deux potes, ils ont pas su à qui dire non, ils ont gardé les deux. Et donc, tu as deux vinyles qui doivent avoir une pochette différente. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est. Mais okay. Voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, tout va bien pour le groupe, jusqu'à malheureusement le retour du Hellfest en 2019. C'est vraiment arrivé à ce moment-là où le batteur a appris que ses analyses sanguines n'étaient pas bonnes. Et en fait, il devait voir d'urgence un médecin. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait un cancer assez compliqué. Le batteur de My Sleeping Karma, Stéphane. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, c'est pile poil 2019, après, il y a eu la pandémie derrière. Ce qui fait que le groupe a été ralenti et que derrière, même si les traitements se passaient bien, en fait, il y avait toute la partie, par exemple, les moments où on arrivait en été, où il allait beaucoup mieux, ça allait, et au moment de l'hiver, il avait tendance à rechuter un petit peu, okay, donc d'accord. Ça enchaînait un petit peu. Ce qui fait que, par exemple, le dernier album, il est considéré comme beaucoup plus sombre parce qu'il est aussi, il doit s'occuper du mixage ou des trucs. D'accord. Donc, il fait tout un peu ce qui a rapport avec le groupe et il l'a fait comme il l'a pu avec ses problèmes de santé. Mm-hmm. Et donc, ça a continué et l'album, il est forcément beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de tristesse peut-être de sentiments profonds dedans. L'état du moment, c'est peut-être un peu ressenti. Bah même pour le groupe en fait, parce qu'ils étaient un peu dans une. Tu vois, ils étaient déjà. Il y a eu l'incertitude de la pandémie, l'incertitude de la maladie de leur pote, lui-même pas en forme, et donc ils ont pas arrêté d'alterner. Tu vois, moi j'ai eu des interviews, ils disaient à la sortie de l'album, parce qu'une fois que l'album est sorti, après tout ça, après cette première partie, ils devaient déjà s'arrêter à nouveau à cause d'autres tests qu'ils devaient faire, une nouvelle chimiothérapie. Okay. Et donc ça est parce que du coup ça s'est pas vraiment arrêté. C'est pour ça en fait que le groupe depuis a été un petit peu resté en arrière quoi. C'est un petit peu comme ça encore à l'heure actuelle. Alors c'est malheureusement bien pire que ça parce que Stephen est décédé depuis. Ouais, il est mort et ce qui a fait que le groupe s'est un peu arrêté à cause de ça à ce moment-là. Oui, c'est Ah ouais, putain. Je suis désolé de te l'apprendre comme ça. Non, je sais que tu te renseignes toujours sur les groupes. Là, pour le coup, alors Il est de ce que j'ai, si je me suis pas trompé, il est décédé en 2023. D'accord. Et normalement, j'avais un endroit où j'avais marqué le truc, mais putain, je l'ai pas mis. J'ai même pas. Franchement, j'ai pourtant, je me suis renseigné sur certains trucs, mais plus sur la musique, les lives. Ouais, mais en fait, je kiffe trop son jeu. Ah ouais. Puis c'est un mec qui était vachement apprécié tout ça, et en fait, ça s'est arrêté malheureusement. Ouais. Et par contre, c'est là où ça a mis le temps que ça a mis, parce que du coup, ils étaient un peu bloqués. Juste avant son décès, ils étaient bloqués dans les tournées à cause de. Enfin, ils étaient un peu bloqués, quoi. Mm-hmm. Ça allait pas. Et après, ils se sont arrêtés, voilà. Et c'est le 27 septembre qu'on a appris que My Sleeping Karma revenait. D'accord. Dans un communiqué assez un petit peu touchant, quoi. Chers frères et sœurs, on dit que le temps guérit, mais certaines blessures ne semblent jamais guérir. Après la perte tragique de notre âme sœur musicale, Stephen, nous étions désespérés, ne savions absolument pas comment gérer la situation et comment continuer à accompagner My Sleeping Karma en tant que groupe. Nous sommes toujours aussi reconnaissants pour la collecte de fonds que vous avez été nombreux à soutenir et pour les nombreuses demandes qui ont permis de perpétuer notre musique et l'esprit de Stephen. Après de longues et intenses discussions, nous sommes finalement arrivés à la conclusion qu'il était de notre devoir de poursuivre My Sleeping Karma. Mmh. Pour vous, le public, pour Stephen, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau batteur, André. Il fait partie de la famille MSK depuis très longtemps et c'était auparavant notre ingénieur lumière et vidéo. André change de poste et nous sommes en pleine répétition avant de remonter sur scène. Mmh. Quelques mots d'André suivront dans les prochains jours avec beaucoup d'amour, les gars de Karma. Et c'est là qu'après, on a pu apprendre qu'ils revenaient faire des concerts. Et on a pu aussi avoir le plaisir de les voir programmer au Hellfest 2025, qui sera, je pense, un concert avec beaucoup d'émotions. Parce que je crois qu'il y a une représentation de Stephen qui est faite en live, je crois, pour dire voilà, qu'ils ne l'ont pas oublié, tout ça. D'où un album. Ouais. Coup dur. Du coup, c'est pour ça, tu vois, il y a eu une longue progression musicale, un dernier album un peu compliqué, et derrière, mais le groupe est toujours là, et malheureusement, Stephen n'est plus là, mais c'est vrai qu'il faut faire vivre le groupe. Ils vont le faire vivre à travers leur musique et tout, parce que, c'était leur âme sœur, tout ça. Après, c'est vrai que faut savoir qu'avec Tonai, ou même avec l'équipe de RTH, on évite de parler des trucs dont on va parler en s'enregistrant pour garder une espèce de fraîcheur. Mais là, je pensais que tu le savais déjà et je pensais pas te l'apprendre. Désolé. Ouais. Je me dis merde, comment j'ai... J'ai plus écouté et kiffé. Je te dis, j'ai encore regardé des vidéos de lui en train de jouer parce que je me suis dit, mais je vais jouer comme ça, moi. Non, mais sérieux, c'est trop stylé ce qu'il faisait, quoi. Putain. Ah ouais, écoute, ok. Claque quand même. Je suis désolé, c'était pas voulu. Ah merde. Du coup, tu vas peut-être plus facilement accepter la bière tout à l'heure. Ouais, du coup. Non, coup dur. En plus, du coup, je peux peut-être. J'attendais que tu. Faire genre, c'est pas important, donc je voulais attendre que tu redescendes un petit peu. Ouais, bien sûr. Je suis en train de penser à ce que je devais dire et il y a ça qui se met devant là. Du coup, Tonai, My Sleeping Karma, t'en penses quoi? Tu vois, t'en as mis 15 secondes d'extrait. Ouais. La chair de poule, les poils qui se lèvent, c'est l'effet que ça m'a fait direct, quoi. Et ça n'a pas arrêté en fait. Chaque morceau, chaque divinité, j'aurais dit, qui nous balance là, ça me mettait dans les petits nuages quoi. Et je te dis, j'étais même au-dessus et je marchais sur les nuages quoi. Carrément, c'était c'est ultra kiffant. T'avais les yeux fermés quand même. Oui et non. Je voulais juste faire la petite parenthèse, tu vois, où Heilung, où je sais qu'il faudrait que je sois dans une certaine condition. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, je marche, je suis en mode Tonai le foufou machin, j'écoute ça, je switch et là ouais. C'est vraiment trop trop kiffant quoi. Mais je te rejoins, moi sur la proposition musicale, ça marche aussi beaucoup moins. J'en suis pas à fermer les yeux, mais ça marche vraiment musicalement, il se passe un truc quoi. D'avoir vu des lives, tu les vois, ils sont ensemble, ils kiffent, ils se regardent, ils sourient, ils sont là, ils sont. C'est trop stylé. Et tu t'imagines devant, avec la chair de poule, le son à balle et tout. Que tu sois avec des potes dans le même état, tac, tac, c'est bon. Là, c'est... Après, là, ça sera pas le cas parce que elle est ouverte, mais la vallée qui était fermée, les lumières, mec. J'avais regardé l'heure, 18h, je crois, fin de 18h, pas loin de 19h, un truc comme ça, là. Mm-hmm. 17, 18, bon, bref. Bon, c'est sûr qu'il fera beau, tout ça. Non, mais c'est pas grave. Ils vont quand même arriver à captiver. C'est un putain de bon groupe. Mais je pensais pas que ça serait forcément pour toi autant le coup de cœur, mais ouais, si. Bah dès que la, je crois que c'est. Ouais, merci la violence en passant, parce que dès qu'elle en avait parlé, j'ai tiens, hop, j'ai jeté une oreille, paf, direct. Ah bah. Et là j'ai fait oh, wow, j'écoute. C'est un autre groupe qu'elle aime. J'essaie d'écouter le plus régulièrement possible. Il y a un autre groupe qu'elle aime bien qui marche bien justement avec ce qui est arrivé à My Sleeping Karma. Hein. Ouais. Prayer, ça. La vie d'Aïs difficile. Oui, mais oui. Ah bah. Il y a peut-être vu que c'est des trucs de gang machin, ils ont peut-être plus l'habitude. Oui, c'est clair. Ouais. De perdre des potes. C'est rigolo, mais c'est tous les matins ils regardent personne n'est mort. Bon bah c'est bon alors. Ok. La vie là ils sont soignés. La vie là c'est difficile. Donc du coup pour toi c'est une... malheureusement là je t'ai fait un ascenseur émotionnel. Ouais, là, j'avoue ouais c'est ouais faut l'avaler là. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Non mais si tu étais pour quelque chose. Bah non, mais c'est vrai que. Et je me dis, mais waouh. En fait, j'étais tellement concentré sur tout le kiff et tout. Puis en plus, je vais pas te mentir, je sais plus si j'avais peut-être lu un truc vite fait et tout ça, mais non. Ça, bah, peut-être, tu sais, mon cerveau l'a fait, mais non. Je sais pas, ça n'existe pas. Non, mais pas. Je sais trop, mais vraiment, c'est. Non, mais okay. Après. Voilà. Waouh. Bon, bah. Alors, malgré tout, c'est une énorme découverte, un énorme coup de cœur. Bah, ça reste un immanquable. Ça serait un immanquable pour toi. Bah, oui, sûr. Et puis, je pense que c'est le genre de groupe, ça sera immanquable à chaque fois en plus. Ah ouais, bah après, là. Après, c'est vrai que là, du coup, voilà, c'est rassurant aussi de se dire, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de leur famille, donc peut-être que. Oui, voilà, c'est pas n'importe qui va. Voilà, c'est ça, peut-être qu'ils vont retrouver, justement, parce que quand tu m'as dit ça, juste avant, j'avais envie de dire, non, mais ça va être trop chaud de retrouver quelqu'un. Ça sera peut-être pas pareil, mais. Ça sera peut-être pas pareil, mais bon. Enfin, ça sera même pas pareil, mais. Ça sera pas pareil, mais si c'est quelqu'un, voilà, avec qui ils peuvent rentrer dans ce même partage, voilà, ça peut être. Facile à vivre voilà en live surtout Hellfest suite à tout ça. Après je te rejoins moi aussi sur le fait que ça pourrait être un immanquable parce qu'en général un groupe que j'ai déjà vu, je peux essayer d'en aller voir un autre mais là c'est My Sleeping Karma et je pense que le concert sera rempli d'émotions et tout. Ah non, là c'est immanquable, c'est doublement immanquable, c'est triplement immanquable, c'est ouais non là. Bon, on va aller se remettre Tonaille, on va ouais bah ouais, on va aller chercher une petite bière. Tu veux la prendre maintenant? Bon, on va voir. Bon, bah on va en monter plusieurs. Bon bah écoute, merci beaucoup ouais, Tonaille, je suis ouais, désolé encore. Bah non, mais écoute, c'est comme ça. Au final, t'auras quand même découvert un super groupe. Ah bah oui, de ouf. Bon de bah ouf. C'est pas si c'est voilà. Ouais. Tu l'as découvert à tête posthume, donc c'est moins, tu vois, il est pas. Oui, je sais plus quoi dire. Moi, je sais bien, je sais pas non plus quoi dire. Bon bah écoute, merci Tonaille, à la prochaine. Des bisous. Salut.